Chapitre 8e, où paraît le vicomte Kerlusset. Le lendemain, Martineau et Maxou, après avoir déjeuné, se promenaient dans le jardin de l'hôtel. L'avocat était silencieux. « À quoi diable songes-tu ? » demanda le reporter, que ce silence intriguait. « Je songe, cher ami, aux moyens que j'emploierai pour entrer le plus à fond possible dans la pensée du duc sans lui donner l'éveil. N'est-ce que cela ? Tu en parles à ton aise ? Je voudrais bien savoir comment tu t'y prendrais à ma place. » « Regarde là-bas, dans cette allée à gauche, » lui dit-il à mi-voix, « c'est notre homme. » L'avocat tourna la tête vers l'endroit indiqué, et il aperçut le duc de Vallombreuse, qui causait avec un jeune homme à la tournure distinguée, à l'air réfléchi. « En effet, c'est lui, » reprit Maxou. « Eh bien ?»« Eh bien, le jeune homme avec lequel il s'entretient en ce moment te tirera d'embarras. » « Comment cela ?»« Il se nomme le vicomte de Kerlusset. » Nous sommes sortis ensemble de l'école normale, moi pour faire du journalisme, lui pour s'occuper de sciences. Lorsque je l'ai rencontré il y a 2 ans à Paris, pour la dernière fois, il étudiait un nouveau système de force motrice qui, paraît-il, doit révolutionner. Un rêveur, un fou comme tant d'autres, interrompit l'avocat. Non, c'est un véritable savant, qui n'est pas riche et qui deviendra facilement millionnaire quand il le voudra. Dès qu'il sera seul, je l'aborderai et nous fournira sans doute toutes les indications dont tu as besoin. « Décidément, jusqu'ici, la chance montre aimable à notre égard, » répondit Maxou. « Surveille ton vicomte, je t'attendrai près de ce kiosque sous ce tilleul. » Pendant que Maxou s'éloignait, Martineau alluma un cigare, s'enfonça sous un massif et s'assit sur un banc, attendant le moment de pouvoir se présenter devant son ancien camarade. « Voyons, » disait pendant ce temps le duc à son interlocuteur, « vous qui êtes un savant, mon cher Amaury, vous pourrez sans doute résoudre une question qui m'embarrasse fort. » « S'il s'agit de chimie, je suis tout prêt à vous répondre, » repartit M. de Kerlusset. « La chimie n'a rien à faire dans le cas présent, mon ami. Je voudrais avoir votre avis au sujet d'une question légale. »« Je suis très peu au courant de ces choses, mon cher duc, mais parlez toujours, je vous écoute. » »« Voici. Je suis cité comme témoin dans une affaire fort désagréable et je donnerai tout au monde pour éviter la corvée. » »« Est-ce une affaire civile ou criminelle ?»« Criminelle au premier chef. » La duchesse a failli devenir victime d'une tentative d'empoisonnement. « Que dites-vous là ? » s'écria Maury. « On accuse de ce crime l'institutrice de mes 2 filles, Madame Flavia Morin. »« Oui, mon ami. » »« En ce cas, votre devoir est d'éclairer la justice. »« Mais je ne sais rien, absolument rien. »« Eh bien, vous le direz au magistrat chargé de l'instruction. »« Sans doute. »« Mais cette institutrice, vous le savez, est fort belle. »« Et si je témoigne en sa faveur, Dieu sait à quel commentaire pourra donner lieu ma déposition. » « N'êtes-vous pas au-dessus de toute calomnie ? Rappelez-vous cet axiome si vrai de Figaro. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Enfin, si je refusais d'obéir à cette citation, il vous en coûterait une amende de 500 francs. 500 francs ? Une bagatelle, je paierai. Non ? Vous vous rendrez la citation, dit le vicomte, car votre devoir, dans une circonstance aussi grave, est d'être auprès de la duchesse. Si vous le voulez, nous partirons tous les deux aujourd'hui même. « Et notre excursion de demain au lac Robert ? Il s'agit bien du lac Robert. Partons-nous ? Oui, je comprends. Je vous ai emmené ici avec moi et vous saisissez aux cheveux l'occasion de me quitter. Oh mon Dieu, c'est tout naturel. Et Marcel, j'en suis sûr, ne s'en plaindra pas. C'est convenu, n'est-ce pas ? Nous partons. Rien ne presse. J'ai plusieurs jours devant moi et je compte sur vous pour demain. Ce qui veut dire que votre intention m'est d'arrêter et de ne pas vous rendre à cette citation. » « Je réfléchirai à tout ceci, » répondit M. de Vallombreuse, « et je vous apprendrai demain ce que j'aurai décidé. » Et il s'éloigna tout pensif. Lorsque Martineau vit Amaury seul, il sortit de son poste d'observation et alla droit à lui. « Martineau, » dit le jeune savant en l'apercevant. « Mon cher Kerlusset, vous ici ?» dit ce dernier en jouant l'étonnement. Ils se serrèrent cordialement la main. Ensuite la conversation s'engagea. Le reporter l'amena habilement sur le duc de Vallombreuse, et quand il lui apprit ce qu'il lui importait de savoir, il courut rejoindre maître Maxou, auquel il rendit compte de son entrevue avec M. de Kerlusset. « Il résulte de tout ceci, dit l'avocat, que le duc ne comparaîtra que s'il y est contraint et forcé. Je vais agir en conséquence. Quel est ton projet ? Demanda Martineau. Tu verras. » Quelques instants plus tard, Maxou envoya la dépêche suivante. À M. Duranger, juge d'instruction à Château-Chinon. Le D de V, ici, refusera témoignage. Le papier trouvé dans le livre est parti du riage. Maxou. 2 heures après, Maxou recevait cette réponse. Je lance un mandat de comparution